kaka okoko korobu pesa bisongo ya to bare baze mezeme na bantu sa esprit to renye lokola yo na likolo biso ba ya fena se amen. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Babuka ki ligale ya kaluji na ya koma. Papla il fallait na tele manango nandule wana mila mirapale masta batindi kaye petita bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache ba miyake ba yama moto influence a coup d'ailleurs. Elena koma na ba plato ngai furume moto ba mwela kaba mambila mbila wakafwa nandenga kolote mululungonda de pas kondinga le gentleman petita lobinanga na ebi move mate Nana lelie, el doce vito, irare romano mest, likambo bakoti sakie, mpo alandela, nasi mama watro, mwana kutwe bimakie, carte sur table, ko negocie, shobize simba monde, vivra vera. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Qui est pas le bois que baby sakamoto, ya ya, pona loco trop, tolo baki moto aye bate, awele mpifo, c'est pona Ferrari, na caviar, contre signaki pona liwa. Na bana Firenze, kozala toujours na top. Ponan koma, likambo ezala kinzoka pona miso ya betie. Mwana komora, likambo ezala kinzoka pona tayo ya marosa. Mère Franchane, nandenge nango, wolo ebonga na kingo, mera bonga na pere. Koma kibiso na mboka nipone Ronta o pambapa Ye koma kibiso na mboka nazie Porsche benzo lambula Kinshasa ba sheye ba rome Nikili ba zulu ba nyunjake Kao koko korobo Teki sape lilika Les ondi font double mabe Kamozo na kingwe bende Shima, shima.